Section 13. Quatrième partie, livre cinquième. Journal de Carlsbad à Paris. Sinti, Egra, Wallenstein, Weissentat, La Voyageuse, Berneck et Souvenir, Bayreuth, Voltaire, Hohlfeld, Église, La Petite Fille à la Haute, L'Hôtelier, sa servante, Bamberg, Une Bossue, Würzburg, ses chanoines, un ivrogne, l'hirondelle, auberge de Wiesenbach, un Allemand et sa femme, ma vieillesse, Heidelberg, pèlerin, ruine, Mannheim, le Rhin, le Palatinat, armée aristocratique, armée plébéienne, couvent et château, Montener, auberge solitaire, Kaiserlautern, sommeil, oiseau, Saarbrück, conseil de Charles X en France, idée sur Henri V, ma lettre à Madame la Dauphine, ce qu'avait fait Madame la Duchesse de Berry. 1er juin au soir, 1833. Le chemin de Carlsbad jusqu'à Elbogen, le long de l'Egra, est agréable. Le château de cette petite ville est du XIIe siècle, est placé en sentinelle sur un rocher à l'entrée d'une gorge de vallée. Le pied du rocher, couvert d'arbres, s'enveloppe d'un pli de l'Egra. De là, le nom de la ville et le château, Elbogen, le coude. Le donjon rougissait du dernier rayon du soleil lorsque je l'aperçus du grand chemin. Au-dessus des montagnes et des bois penchait la colonne torse de la fumée d'une fonderie. Je partis à 9h30 du palais de Svoda. Je suivais la route où passa Vauvenargues dans la retraite de Prague. Ce jeune homme à qui Voltaire, dans l'éloge funèbre des officiers morts en 1741, adresse ces paroles « Tu n'es plus, ô douce espérance du reste de mes jours, je t'ai toujours vu le plus infortuné des hommes et le plus tranquille. » Du fond de ma calèche, je regardais se lever les étoiles. « N'ayez pas peur, Sinti, ce n'est pas la susurration des roseaux inclinés par notre passage dans leur forêt mobile. J'ai un poignard pour les jaloux et du sang pour toi. » Que ce tombeau ne vous cause aucune épouvante. C'est celui d'une femme jadis aimée, comme vous, Cecilia Metellia, reposait ici. Quelle est admirable cette nuit dans la campagne romaine. La lune se lève derrière la Sabine pour regarder la mer. Elle fait sortir des ténèbres diaphanes les sommets cendrés du bleu d'Albano, les lignes plus lointaines et moins gravées du Soracte. Le long canal des vieux aqueducs laisse échapper quelques globules de son onde à travers les mousses, les encolis, les giroflées, et joint les montagnes aux murailles de la ville. Plantés les uns sur les autres, les portiques aériens, en découpant le ciel, promènent dans les airs le torrent des âges et le cours des ruisseaux. Législatrice du monde, Rome, assise sur la pierre de son sépulcre, avec sa robe de siècle, projette le dessin irrégulier de sa grande figure dans la solitude lactée. Asseyons-nous. Ce pin, comme le chevrier des Abruzzes, déploie son ombrelle parmi des ruines. La lune neige sa lumière sur la couronne gothique de la tour du tombeau de Metellia et sur les festons de marbre enchaînés aux cornes des bucranes. Pompe élégante qui nous invite à jouir de la vie sitôt écoulée. Écoutez, la nymphe Égérie chante au bord de sa fontaine, le rossignol se fait entendre dans la vigne de l'hypogée des Scipions, la brise alanguie de la Syrie nous apporte indolemment la senteur des tubéreuses sauvages, le palmier de la villa, abandonné, se balance à demi-noyé dans l'améthyste et l'azur des clartés phébéennes. Mais toi, pâlie par les reflets de la candeur de Diane, ô Sinti, tu es mille fois plus gracieuse que ce palmier. Les mânes de Délie, de l'Alagée, de Lydie, de Lesbie, posées sur des corniches ébréchées, balbutient autour de toi des paroles mystérieuses. Tes regards se croisent avec ceux des étoiles et se mêlent à leurs rayons. Mais Sinti, il n'y a de vrai que le bonheur dont tu peux jouir. Ces constellations si brillantes sur ta tête ne s'harmonisent à tes félicités que par l'illusion d'une perspective trompeuse. Jeune Italienne, le temps finit. Sur ces tapis de fleurs, tes compagnes ont déjà passé. Une vapeur se déroule, monte et enveloppe l'œil de la nuit d'une rétine argentée. Le pélican crie et retourne aux grèves. La bécasse s'abat dans les prêles des sources diamantées. La cloche résonne sous la coupole de Saint-Pierre. Le plein chant nocturne, voix du Moyen-Âge, attriste le monastère isolé de Sainte-Croix, le moine psalmodie à genoux les laudes sur les colonnes calcinées de Saint-Paul, des vestales se prosternent sur la dalle glacée qui ferme leur crypte, le piferaro souffle sa complainte de minuit devant la Madone solitaire, à la porte condamnée d'une catacombe. Heure de la mélancolie, la religion s'éveille et l'amour s'endort. Cinti, ta voix s'affaiblit. Il expire sur tes lèvres le refrain que t'a pris le pêcheur napolitain dans sa barque vélivole, ou le rameur vénitien dans sa gondole légère. Va aux défaillances de ton repos. Je protégerai ton sommeil. La nuit, dont tes paupières couvrent tes yeux, dispute de suavité avec celle que l'Italie, assoupie et parfumée, verse sur ton front. Quand le hennissement de nos chevaux se fera entendre dans la campagne, quand l'étoile du matin annoncera l'aube, le berger de Frascati descendra avec ses chèvres, et moi, je ne cesserai de te bercer de ma chanson à demi-voix soupirée, un faisceau de jasmins et de narcisses, une ébée d'albâtre, récemment sortie de la cavée d'une fouille, ou tombée du fronton d'un temple, gît sur ce lit d'anémone. Non, muse, vous vous trompez. Le jasmin, l'ébée d'albâtre, est une magicienne de Rome, née il y a 16 mois de mai et la moitié d'un printemps, au son de la lyre, au lever de l'aurore, dans un champ de roses, au Paestum. Vent des orangers de Palerme qui soufflait sur l'île de Circé, brise qui passait au tombeau du Tasse, qui caressait les nymphes et les amours de la Farnésine, vous qui jouez au Vatican parmi les vierges de Raphaël, les statues des muses, vous qui mouillez vos ailes aux cascatelles de Tivoli, génie des arts qui vivait de chefs-d'œuvre et voltigeait avec les souvenirs, venez, à vous seul je permets d'inspirer le sommeil de Cinti. Et vous, filles majestueuses de Pythagore, parques à la robe de lin, sœurs inévitables assises à l'essieu des sphères, tournez le fil de la destinée de Cinti sur des fuseaux d'or. Faites-les descendre de vos doigts et remonter à votre main avec une ineffable harmonie. Immortelle filandière, ouvrez la porte d'ivoire à ces songes qui reposent sur un sein de femme sans l'oppresser. Je te chanterai, ô canéphore des solennités romaines, jeune charité nourrie d'ambroisie au giron de Vénus, sourire envoyé d'Orient pour glisser sur ma vie, violette oubliée au jardin d'Horace, mein Herr, die Kreuzer, bourre la parieur. Peste soit de toi avec tes cruches, j'avais changé de ciel, j'étais si en train, la muse ne reviendra pas, ce maudit Aigrat où nous arrivons est la cause de mon malheur. Les nuits sont funestes à Aigrat. Schiller nous montre Wallenstein trahi par ses complices, s'avançant vers la fenêtre d'une salle de la forteresse d'Aigrat. Le ciel est orageux et troublé, dit-il, le vent agite l'étendard placé sur la tour, les nuages passent rapidement sur le croissant de la lune qui jette, à travers la nuit, une lumière vacillante et incertaine. Wallenstein, au moment d'être assassiné, s'attendrit sur la mort de Max Piccolomini, aimé de Thécla. La fleur de ma vie a disparu, il était près de moi comme l'image de ma jeunesse, il changeait pour moi la réalité en un beau songe. Wallenstein se retire au lieu de son repos. La nuit est avancée, on n'entend plus de mouvement dans le château. Allons, que l'on m'éclaire. Ayez soin qu'on ne me réveille pas trop tard. Je pense que je vais dormir longtemps, car les épreuves de ce jour ont été rudes. Le poignard des meurtriers arrache Wallenstein au rêve de l'ambition, comme la voix du préposé à la barrière a mis fin à mon rêve d'amour. Et Schiller et Benjamin Constant, qui fit preuve d'un talent nouveau en imitant le tragique allemand, sont allés rejoindre Wallenstein, tandis que je rappelle aux portes d'Aigrat leur triple renommée. 2 juin 1833. Je traverse Aigrat et samedi 1er de juin, à la pointe du jour, j'entre en Bavière. Une grande fille rousse, nu-pied, tête nue, vient m'ouvrir la barrière comme l'Autriche en personne. Le froid continue, l'herbe des fossés est couverte d'une gelée blanche. Des renards mouillés sortent des avenières. Des nues grises échancrées à grande envergure sont croisées dans le ciel comme des ailes d'aigle. J'arrive à Wessenstadt à 9 heures du matin. Au même moment, une espèce de voiturin emportait une jeune femme coiffée en cheveux. Elle avait bien l'air de ce que probablement elle était. Joie, courte fortune d'amour, puis l'hôpital et la fosse commune. Plaisir errant, que le ciel ne soit pas trop sévère à tes tréteaux. il y a dans ce monde tant d'acteurs plus mauvais que toi. Avant de pénétrer dans le village, j'ai traversé des vastes. Ce mot s'est trouvé au bout de mon crayon. Il appartenait à notre ancienne langue franque. Il peint mieux l'aspect d'un pays désolé que le mot lande qui signifie terre. Je sais encore la chanson qu'on chantait le soir en traversant les Landes. C'est le chevalier des Landes, malheureux chevalier, quand il fut dans la lande, ah oui, les signes sonnaient. Après Wessenstadt vient Berneck. En sortant de Berneck, le chemin est bordé de peupliers dont l'avenue tournoyante m'inspirait je ne sais quel sentiment mêlé de plaisir et de tristesse. En fouillant dans ma mémoire, j'ai trouvé qu'il ressemblait au peuplier dont le grand chemin était aligné autrefois du côté de Paris, à l'entrée de Villeneuve-sur-Yonne. Madame de Beaumont n'est plus, Monsieur Joubert n'est plus, les peupliers sont abattus, et après la quatrième chute de la monarchie, je passe au pied des peupliers de Berneck. « Donnez-moi, dit Saint-Augustin, un homme qui aime, il comprendra ce que je dis. » La jeunesse rit de ses mécomptes. Elle est charmante, heureuse. En vain, vous lui annoncez le moment où elle en sera de pareilles amertumes. Elle vous choque de son aile légère et s'envole au plaisir. Elle a raison si elle meurt avec eux. Voici Bayreuth, réminiscence d'une autre sorte. Cette ville est située au milieu d'une plaine creuse, mélangée de céréales et d'herbages. Les rues en sont larges, les maisons basses, la population faible. Du temps de Voltaire et de Frédéric II, la margrave de Bayreuth était célèbre. Sa mort inspira au chantre de Ferney la seule ode où il est montré quelque talent lyrique. « Tu ne chanteras plus, solitaire Sylvandre, dans ce palais des arts où les sons de ta voix, contre les préjugés, osaient se faire entendre, et de l'humanité faisaient parler les droits. » Le poète se loue ici justement, si ce n'est qu'il n'y avait rien de moins solitaire au monde que Voltaire Sylvandre. Le poète ajoute, en s'adressant à la margrave, des tranquilles auteurs de la philosophie, ta pitié contemplait, avec des yeux sereins, les fantômes changeants du songe de la vie, tant de rêves détruits, tant de projets si vains. Du haut d'un palais, il est aisé de contempler avec des yeux sereins les pauvres diables qui passent dans la rue. Mais ces vers n'en sont pas moins d'une raison puissante. Qui les sentirait mieux que moi? J'ai vu défiler tant de fantômes à travers le songe de la vie. Dans ce moment même, ne viens-je pas de contempler les trois larves royales du château de Prague et la fille de Marie-Antoinette à Karlsbad? En 1733, il y a juste un siècle, de quoi s'occupait-on ici? Avait-on la moindre idée de ce qui est aujourd'hui? Lorsque Frédéric se mariait en 1733, sous la rude tutelle de son père, avait-il vu dans Mathieu Landsberg, monsieur de Tournon, intendant de Bayreuth, et quittant cette intendance pour la préfecture de Rome? En 1933, le voyageur passant en Franconie demandera à mon ombre si j'aurais pu deviner les faits dont il sera le témoin. Tandis que je déjeunais, j'ai lu des leçons qu'une dame allemande, jeune et jolie nécessairement, écrivait sous la dictée d'un maître. Celui qui l'est content est riche. Vous et je, nous avons peu d'argent, mais nous sommes contents. Nous sommes ainsi, à mon avis, plus riches que tel qui a un tonne d'or et il est. C'est vrai, mademoiselle, vous et je avons peu d'argent. Vous êtes contente à ce qu'il paraît et vous vous moquez d'une tonne d'or. Mais si par hasard je n'étais pas content, moi, vous conviendrez qu'une tonne d'or pourrait m'être assez agréable. Au sortir de Bayreuth, on monte. De minces pins élagués me représentaient les colonnes de la mosquée du Caire ou de la cathédrale de Cordoue, mais rapetissées et noircies, comme un paysage reproduit dans la chambre obscure. Le chemin continue de coteaux en coteaux et de vallées en vallées. Les coteaux larges, avec un toupet de bois au front, les vallées étroites et vertes, mais peu arrosées. Dans le point le plus bas de ces vallées, on aperçoit un hameau indiqué par le campanile d'une petite église. Toute la civilisation chrétienne s'est formée de la sorte. Le missionnaire devenu curé s'est arrêté. Les barbares se sont cantonnés autour de lui comme les troupeaux se rassemblent autour du berger. Jadis, ces réduits écartés m'auraient fait rêver de plus d'une espèce de songe. Aujourd'hui, je ne rêve rien et ne suis bien nulle part. Baptiste, souffrant d'un accès de fatigue, m'a contraint de m'arrêter à Hohlfeld. Tandis qu'on apprêtait le souper, je suis monté au rocher qui domine une partie du village. Sur ce rocher s'allonge un beffroi carré. Des martinets criaient en rasant le toit et les faces du donjon. Depuis mon enfance à Combourg, cette scène composée de quelques oiseaux et d'une vieille tour ne s'était pas reproduite. J'en eus le cœur tout serré. Je descendis à l'église sur un terrain pendant à l'ouest. Elle était sainte de son cimetière délaissé des nouveaux défunts. Les anciens morts y ont seulement tracé leur sillon, preuve qu'ils ont labouré leur champ. Le soleil couchant, pâle et noyé à l'horizon d'une sapinière, éclairait le solitaire asile où nul autre homme que moi n'était debout. Quand serais-je couché, à mon tour ? Être de néant et de ténèbres, notre impuissance et notre puissance sont fortement caractérisées. Nous ne pouvons nous procurer à volonté ni la lumière ni la vie. Mais la nature, en nous donnant des paupières et une main, a mis à notre disposition la nuit et la mort. Entré dans l'église, dont la porte entrebâillait, je me suis agenouillé avec l'intention de dire un pater et un ave pour le repos de l'âme de ma mère. Servitude, immortalité imposées aux âmes chrétiennes dans leur mutuelle tendresse. Voilà que j'ai cru entendre le guichet d'un confessionnal s'ouvrir. Je me suis figuré que la mort, au lieu d'un prêtre, allait apparaître à la grille de la pénitence. Au moment même, le sonneur de cloche est venu fermer la porte de l'église, je n'ai eu que le temps de sortir. En retournant à l'auberge, j'ai rencontré une petite hôteuse. Elle avait les jambes et les pieds nus. Sa jupe était courte, son corset déchiré. Elle marchait courbée et les bras croisés. Nous montions ensemble un chemin escarpé. Elle tournait un peu de mon côté, son visage hâlé, sa jolie tête échevelée se collait contre sa hotte. Ses yeux étaient noirs, sa bouche s'entr'ouvrait pour respirer. On voyait que sous ses épaules chargées, son jeune sein n'avait encore senti que le poids de la dépouille des vergers. Elle donnait envie de lui dire des roses. « Rhoda Meirekas, Aristophane. » Je me mis à tirer l'horoscope de l'adolescente vendangeuse. Vieillira-t-elle oppressoire, mère de famille obscure et heureuse ? Sera-t-elle emmenée dans les camps par un caporal ? Deviendra-t-elle la proie de quelque don juan ? La villageoise enlevée aime son ravisseur autant d'étonnement que d'amour. Il la transporte dans un palais de marbre, sur le détroit de Messine, sous un palmier, au bord d'une source, en face de la mer qui déploie ses flots d'azur et l'Etna qui jette des flammes. J'en étais là de mon histoire lorsque ma compagne, tournant à gauche sur une grande place, s'est dirigée vers quelques habitations isolées. Au moment de disparaître, elle s'est arrêtée. Elle a jeté un dernier regard sur l'étranger, puis, inclinant la tête, pour passer avec sa hotte sous une porte abaissée, elle est entrée dans une chaumière comme un petit chat sauvage se glisse dans une grange parmi des gerbes. Allons retrouver dans sa prison son Altesse royale, Madame la Duchesse de Berry. Je la suivis, mais je pleurais de ne pouvoir plus suivre qu'elle. Mon hôte de Holfeld est un singulier homme. Lui et sa servante sont aubergistes à leur corps défendant. Ils ont horreur des voyageurs. Quand ils découvrent de loin une voiture, ils se vont cacher en maudissant ces vagabonds qui n'ont rien à faire et courent les grands chemins, ces fainéants, qui dérangent un honnête cabaretier et l'empêchent de boire le vin qu'il est obligé de leur vendre. La vieille voit bien que son maître se ruine, mais elle attend pour lui un coup de la Providence. Comme Sancho, elle dira « Monsieur, acceptez ce beau royaume de Micomicon qui vous tombe du ciel dans la main. » Une fois le premier mouvement d'humeur passé, le couple, flottant entre deux vins, fait bonne mine. La chambrière écorche un peu le français, vous bigle le ferme, et a l'air de vous dire « J'ai vu d'autres godelureaux que vous dans les armées de Napoléon. » Elle sentait la pipe et l'eau de vie comme la gloire au bivouac. Elle me jetait une œillade agaçante et maligne. Qu'il est doux d'être aimé au moment même où l'on avait plus d'espérance de l'être. Mais j'avote, vous venez trop tard à mes tentations cassées et mortifiées, comme parlait un ancien français. Mon arrêt est prononcé. Vieillard harmonieux, repose-toi, m'a dit monsieur l'herminier. Vous le voyez, bienveillante étrangère, il m'est défendu d'entendre votre chanson. Vivandière du régiment, j'accote l'on me nomme, je vends, je donne et bois gaiement, mon vin et mon rogomme, j'ai le pied leste et l'œil mutin, tintin, tintin, tintin, tintin, erlin, tintin. C'est encore pour cela que je me refuse à vos séductions. Vous êtes légère, vous me trahiriez. Voyez donc, dame Javotte de Bavière, comme votre devancière, madame Isabeau. 2 juin 1833. Parti de Holfeld, il est nuit quand je traverse Bamberg. Tout dort. Je n'aperçois qu'une petite lumière dont la débile clarté vient du fond d'une chambre pâlir à une fenêtre. Qui veille ici ? Le plaisir ou la douleur ? L'amour ou la mort ? À Bamberg, en 1815, Berthier, prince de Neuchâtel, tomba d'un balcon dans la rue. Son maître allait tomber de plus haut. Dimanche 2 juin. À Dettelbach, réapparition des vignes. Quatre végétaux marquent la limite de quatre natures et de quatre climats. Le bouleau, la vigne, l'olivier et le palmier, toujours en marchant vers le soleil. Après Dettelbach, deux relais jusqu'à Würzburg et une bossue assise derrière ma voiture. C'était l'Andrienne de Terence. Inopia egregia forma, oetate integra. Le postillon la veut faire descendre. Je m'y oppose pour deux raisons. Premièrement, parce que je craindrais que cette fée me jetât un sort. Deuxièmement, parce qu'ayant lu dans une de mes biographies que je suis bossue, toutes les bossues sont mes sœurs. Qui peut s'assurer de n'être pas bossue ? Qui vous dira jamais que vous l'êtes ? Si vous vous regardez au miroir, vous n'en verrez rien. Se voit-on jamais tel qu'on est ? Vous trouverez à votre taille un tour qui vous sied à merveille. Tous les bossus sont fiers et heureux. La chanson consacre les avantages de la bosse. À l'ouverture d'un sentier, ma bossue, affistolée, mit pied à terre majestueusement, chargée de son fardeau comme tous les mortels. Serpentine s'enfonça dans un champ de blé et disparut parmi des épis plus hauts qu'elle. À midi 2 juin, j'étais arrivé au sommet d'une colline d'où l'on découvrait Würzburg. La citadelle sur une hauteur, la ville au bas avec son palais, ses cloches et ses tourelles, le palais, quoique épais, serait beau même à Florence. En cas de pluie, le prince pourrait mettre tous ses sujets à l'abri dans son château sans leur céder son appartement. L'évêque de Würzburg était autrefois souverain à la nomination des chanoines du chapitre. Après son élection, il passait, nu jusqu'à la ceinture, entre ses confrères, rangés sur deux files. Il le fustigeait. On espérait que les princes, choqués de cette manière de sacrer un dos royal, renonceraient à se mettre sur les rangs. Aujourd'hui, cela ne réussirait pas. Il n'est pas de descendant de Charlemagne qui ne se laissa fouetter 3 jours de suite pour obtenir la couronne d'Ifto. J'ai vu le frère de l'empereur d'Autriche, duc de Würzburg. Il chantait à Fontainebleau, très agréablement, dans la galerie de François Ier, au concert de l'impératrice Joséphine. On a reçu Schwartz 2 heures au bureau des passeports. Laissé avec ma voiture dételée devant une église, j'y suis entré. J'ai prié avec la foule chrétienne qui représente la vieille société au milieu de la nouvelle. Une procession est sortie et a fait le tour de l'église. Que ne suis-je moine sur les murs de Rome ? Les temps auxquels j'appartiens s'accompliraient en moi. Quand les premières semences de la religion germèrent dans mon âme, je m'épanouissais comme une terre vierge qui, délivrée de ses ronces, porte sa première moisson. Survint une brise aride et glacée, et la terre se dessécha. Le ciel en eut pitié, il lui rendit ses tièdes rosées, puis la brise souffla de nouveau. Cette alternative de doute et de foi a fait longtemps de ma vie un mélange de désespoir et d'ineffables délices. Ma bonne sainte mère, priez pour moi, Jésus-Christ, votre fils a besoin d'être racheté plus qu'un autre homme. Je quitte Würzburg à 4 heures et prends la route de Mannheim. Entrée dans le duché de Bade. Village en goguette. Un ivrogne me donne la main en criant « Vive l'empereur !» Tout ce qui s'est passé à partir de la chute de Napoléon est en Allemagne comme non-avenue. Ces hommes qui se sont levés pour arracher leur indépendance nationale à l'ambition de Bonaparte ne rêvent que de lui, tant il a ébranlé l'imagination des peuples depuis les Bédouins sous leurs tentes jusqu'aux Teutons dans leurs huttes. À mesure que j'avançais vers la France, les enfants devenaient plus brillants dans les hameaux, les postillons allaient plus vite, la vie renaissait. À Bischofheim, où j'ai dîné, une jolie curieuse s'est présentée à mon grand couvert. Une hirondelle, vraie procnée, à la poitrine rougeâtre, s'est venue percher à ma fenêtre ouverte sur la barre de fer qui soutenait l'enseigne du Soleil d'or. Puis elle a ramagé le plus doucement du monde en me regardant d'un air de connaissance et sans montrer la moindre frayeur. Je ne me suis jamais plaint d'être réveillé par la fille de Pandion. Je ne l'ai jamais appelée babillarde, comme Anacréon. J'ai toujours, au contraire, salué son retour de la chanson des enfants de l'île de Rhodes. « Elle vient, l'hirondelle, ramenant le beau temps et les belles années. ouvrez, ne dédaignez pas l'hirondelle. François, m'a dit ma convive de Bischofheim, ma trisaïeule logeait à Combourg, sous les chevrons de la couverture de ta tourelle. Tu lui tenais compagnie chaque année en automne, dans les roseaux de l'étang, quand tu rêvais le soir avec ta sylphide. Elle aborda ton rocher natal le jour même que tu t'embarquais pour l'Amérique, et il suivit quelque temps ta voile. Ma grand-mère nichait à la fenêtre de Charlotte. 8 ans après, elle arriva à Jaffa avec toi. Tu l'as remarquée dans ton itinéraire. Ma mère, en gazouillant à l'aurore, tomba un jour dans ton cabinet aux affaires étrangères. Tu lui ouvris la fenêtre. Ma mère a eu plusieurs enfants. Moi qui te parle, je suis de son dernier nid. Je t'ai déjà rencontré sur l'ancienne voie de Tivoli, dans la campagne de Rome. T'en souviens-tu? Mes plumes étaient si noires et si lustrées. Tu me regardas, tristement. Veux-tu que nous nous envolions ensemble? Hélas, ma chère hirondelle, qui sais si bien mon histoire, tu es extrêmement gentille. Mais je suis un pauvre oiseau muet et mes plumes ne reviendront plus. Je ne puis donc m'envoler avec toi. Trop lourd de chagrins et d'années, me porter te serait impossible. Et puis, où irions-nous? Le printemps et les beaux climats ne sont plus de ma saison. À toi l'air et les amours, à moi la terre et l'isolement. Tu pars, que la rosée rafraîchisse tes ailes, qu'une vergue hospitalière se présente à ton vol fatigué, lorsque tu traverseras la mer d'Ionie, qu'un octobre serein te sauve du naufrage. Salue pour moi les oliviers d'Athènes et les palmiers de Rosette. Si je ne suis plus, quand les fleurs te ramèneront, je t'invite à mon banquet funèbre. Viens au soleil couchant, happer les moucherons sur l'herbe de ma tombe. Comme toi, j'ai aimé la liberté et j'ai vécu de peu. 3 et 4 juin 1833. Je me mis moi-même en route par terre, quelques instants après que l'hirondelle eut appareillé. La nuit fut couverte. La lune se promenait affaiblie et rongée entre des nuages. Mes yeux, à moitié endormis, se fermaient en la regardant. Je me sentais comme expirée à la lumière mystérieuse qui éclaire les ombres. J'éprouvais je ne sais quel paisible accablement avant-coureur du dernier repos. Manzoni. Je m'arrête à Visaybark, auberge solitaire, étroit vallon cultivé entre deux collines boisées. Un Allemand de Brunswick, voyageur comme moi, ayant entendu prononcer mon nom, accourt. Il me serre la main, me parle de mes ouvrages. Sa femme, me dit-il, apprend à lire le français dans le génie du christianisme. Il ne cessait de s'étonner de ma jeunesse. Mais, a-t-il ajouté, c'est la faute de mon jugement. Je devais vous croire à vos derniers ouvrages, aussi jeunes que vous me le paraissez. Ma vie a été mêlée à tant d'événements que j'ai, dans la tête de mes lecteurs, l'ancienneté de ces événements mêmes. Je parle souvent de ma tête grise, calcul de mon amour-propre, afin qu'on s'écrie en me voyant « Ah, il n'est pas si vieux !» On est à l'aise avec des cheveux blancs, on peut s'en vanter. Se glorifier d'avoir les cheveux noirs serait de bien mauvais goût. Grand sujet de triomphe d'être comme votre mère vous a fait. Mais être comme le temps, le malheur et la sagesse vous ont mis, c'est cela qui est beau. Ma petite ruse m'a réussi quelquefois. Tout dernièrement, un prêtre avait désiré me voir. Il resta muet à ma vue. Recouvrant enfin la parole, il s'écria « Ah, monsieur, vous pourrez donc encore combattre longtemps pour la foi !» Un jour, passant par Lyon, une dame m'écrivit. Elle me priait de donner une place à sa fille dans ma voiture et de la mener à Paris. La proposition me parut singulière. Mais enfin, vérification faite de la signature, l'inconnue se trouvait être une dame fort respectable. Je répondis poliment. La mère me présenta sa fille, divinité de 16 ans. La mère n'eut pas plutôt jeté les yeux sur moi qu'elle devint rouge écarlate. Sa confiance l'abandonna. « Pardonnez, monsieur, me dit-elle en balbutiant, je n'en suis pas moins remplie de considération. Mais vous comprenez les convenances. Je me suis trompée. Je suis si surprise. » J'insistai en regardant ma future compagne qui semblait rire du débat. Je me confondais en protestation que je prendrais tous les soins imaginables de cette belle jeune personne. La mère s'anéantissait en excuses et en révérences. Les deux dames se retirèrent. J'étais fière de leur avoir fait tant de peur. Pendant quelques heures, je me crus rajeuni par l'aurore. La dame s'était figurée que l'auteur du génie du christianisme était un vénérable abbé de Châteaubriand, vieux bonhomme, grand et sec, prenant incessamment du tabac dans une énorme tabatière de fer-blanc, et lequel pouvait très bien se charger de conduire une innocente pensionnaire au Sacré-Cœur. On racontait à Vienne, il y a 2 ou 3 lustres, que je vivais tout seul, dans une certaine vallée appelée la vallée aux loups. Ma maison était bâtie dans une île. Lorsqu'on voulait me voir, il fallait sonner du cor au bord opposé de la rivière à Châtenay. Alors je regardais par un trou. Si la compagnie me plaisait, chose qui n'arrivait guère, je venais moi-même la chercher dans un petit bateau. Sinon, non. Le soir, je tirais mon canot à terre et l'on n'entrait point dans mon île. Au fait, j'aurais dû vivre ainsi. Cette histoire de Vienne m'a toujours charmé. Monsieur de Metternich ne l'a pas sans doute inventée. Il n'est pas assez mon ami pour cela. J'ignore ce que le voyageur allemand aura dit de moi à sa femme et s'il se sera empressé de la détromper sur ma caducité. Je crains d'avoir les inconvénients des cheveux noirs et des cheveux blancs et de n'être ni assez jeune ni assez sage. Au surplus, je n'étais guère en train de coquetterie à Weissenbach. Une bise triste gémissait sous les portes et dans les corridors de l'hôtellerie. Quand le vent souffle, je ne suis plus amoureux que de lui. De Weissenbach à Heidelberg, on suit le cours d'une équerre, encaissée par des collines qui portent des forêts sur un banc de sable et de sulfate sanguine. Que de fleuves j'ai vu couler. Je rencontrais des pèlerins de Waldthuren. Ils formaient 2 files parallèles des 2 côtés du grand chemin. Les voitures passaient au milieu, les femmes marchaient pieds nus, un chapelet à la main, un paquet de linge sur la tête. Les hommes nu-tête et le chapelet aussi à la main. Il pleuvait. Dans quelques endroits, les nues aqueuses rampaient sur le flanc des collines. Des bateaux chargés de bois descendaient la rivière, d'autres la remontaient à la voile ou à la traîne. Dans les brisures des collines étaient des hameaux parmi les champs, au milieu de riches potagers ornés de rosiers du Bengale et différents arbustes à fleurs. Pèlerins, priez pour mon pauvre petit roi. Il est exilé, il est innocent. Il commence son pèlerinage quand vous accomplissez le vôtre et quand je finis le mien. S'il ne doit pas régner, ce me sera toujours quelque gloire d'avoir attaché le débris d'une si grande fortune à ma barque de sauvetage. Dieu seul donne le bon vent et ouvre le port. En approchant de Heidelberg, le lit d'une équerre, semé de rochers, s'élargit. On aperçoit le port de la ville et la ville elle-même qui fait bonne contenance. Le fond du tableau lui-même est terminé par un haut horizon terrestre. Il semble barrer le fleuve. Un arc de triomphe en pierre rouge annonce l'entrée de Heidelberg. À gauche, sur une colline, s'élèvent les ruines d'un château du Moyen-Âge. À part leur effet pittoresque et quelques traditions populaires, les débris du temps gothique n'intéressent que les peuples dont ils sont l'ouvrage. Un Français s'embarrasse-t-il des seigneurs palatins, des princesses palatines, toutes grasses, toutes blanches qu'elles aient été, avec des yeux bleus. On les oublie pour Sainte Geneviève de Brabant. Dans ces débris modernes, rien de commun au peuple moderne, sinon la physionomie chrétienne et le caractère féodal. Il en est autrement, sans compter le soleil, des monuments de la Grèce et de l'Italie. Ils appartiennent à toutes les nations, ils en commencent l'histoire. Leurs inscriptions sont écrites dans des langues que tous les hommes civilisés connaissent. Les ruines même de l'Italie renouvelée ont un intérêt général, parce qu'elles sont empreintes du sceau des arts, et les arts tombent dans le domaine public de la société. Une fresque du Dominicain ou du Titien qui s'efface, un palais de Michel-Ange ou de Palladio qui s'écroule, mettent en deuil le génie de tous les siècles. On montre à Heidelberg un tonneau démesuré. Colisée en ruine des ivrognes. Du moins, aucun chrétien n'a perdu la vie dans cet amphithéâtre des Vespasiens du Rhin. La raison, oui, ce n'est pas une grande perte. Au débouché de Heidelberg, les collines à droite et à gauche d'une équerre s'écartent et l'on entre dans une plaine. Une chaussée tortueuse, élevée de quelques pieds au-dessus du niveau des blés, se dessine entre 2 rangées de cerisiers maltraités du vent et 2 noyers, souvent du passant, insultés. À l'entrée de Mannheim, on traverse des plants de houblon, dont les longs échalas secs n'étaient encore décorés qu'au tiers de leur hauteur par la liane grimpante. Julien l'Aposta a écrit contre la bière une jolie épigramme. L'abbé de la Blatterie l'a imité avec assez d'élégance. « Tu n'es qu'un faux Bacchus, j'en atteste le véritable. » Que le Gaulois pressé d'une soif éternelle, au défaut de la grappe et recours aux épis, de Cérès qu'il vante le fils, vive le fils de Semmel. Quelques vergers, des promenades ombragées de saules, à toute venue, forment le faubourg verdoyant de Mannheim. Les maisons de la ville n'ont souvent qu'un étage au-dessus du rez-de-chaussée. La principale rue est large et plantée d'arbres, au milieu. C'est encore une cité déchue. Je n'aime pas le faux or. Aussi n'ai-je pas voulu d'or de Mannheim. Mais j'ai certainement de l'or de Toulouse, à en juger par les désastres de ma vie. Qui plus que moi, cependant, a respecté le temple d'Apollon. 3 et 4 juin 1833. J'ai traversé le Rhin à 2 heures de l'après-midi. Au moment où je passais, un bateau à vapeur remontait le fleuve. Qu'eût dit César s'il eût rencontré une pareille machine lorsqu'il bâtissait son pont. De l'autre côté du Rhin, en face de Mannheim, on retrouve la Bavière, par une suite des odieuses coupures et des tripotages des traités de Paris, de Vienne et d'Aix-la-Chapelle. Chacun a fait sa part avec des ciseaux, sans égard à la raison, à l'humanité, à la justice, sans s'embarrasser du lopin de population qui tombait dans une gueule royale. En roulant dans le Palatinat cisrénant, je songeais que ce pays formait naguère un département de la France, que la blanche Gaule était sainte du Rhin, écharpe bleue de la Germanie. Napoléon et la République avant lui avaient réalisé le rêve de plusieurs de nos rois et surtout de Louis XIV. Tant que nous n'occuperons pas nos frontières naturelles, il y aura guerre en Europe, parce que l'intérêt de la conservation pousse la France à saisir les limites nécessaires à son indépendance nationale. Ici, nous avons planté des trophées pour réclamer en temps et lieu. La plaine entre le Rhin et les monts Tonnerre est triste. Le sol et les hommes semblent dire que leur sort n'est pas fixé, qu'ils n'appartiennent à aucun peuple. Ils paraissent s'attendre à de nouvelles invasions d'armées, comme à de nouvelles inondations du fleuve. Les Germains de Tacite dévastaient de grands espaces à leurs frontières et les laissaient vides entre elles et leurs ennemis. Malheur à ces populations limitrophes qui cultivent les champs de bataille où les nations doivent se rencontrer. En approchant de, j'ai vu une chose mélancolique. Un bois de jeunes pins de 5 à 6 pieds abattus et liés en fagots, une forêt coupée en herbe. J'ai parlé du cimetière de Lucerne où se pressent à part les sépultures des enfants. Je n'ai jamais senti plus vivement le besoin de finir mes courses, de mourir sous la protection d'une main amie, appliquée sur mon cœur pour l'interroger lorsqu'on dira « il ne bat plus ». Du bord de ma tombe, je voudrais pouvoir jeter en arrière un regard de satisfaction sur mes nombreuses années, comme un pontife arrivé au sanctuaire bénit la longue file des lévites qui lui servirent de cortège. Louvois incendia le Palatinat. Malheureusement, la main qui tenait le flambeau était celle de Turenne. La Révolution a ravagé le même pays, témoin et victime tour à tour de nos luttes aristocratiques et plébéiennes. Il suffit des noms, des guerriers, pour juger de la différence des temps. D'un côté, Condé, Turenne, Créqui, Luxembourg, La Force, Villars. De l'autre, Kellermann, Hoche, Pichegru, Moreau. Ne renions aucun de nos triomphes. Les gloires militaires, surtout, n'ont connu que des ennemis de la France et n'ont eu qu'une opinion. Sur le champ de bataille, l'honneur et le péril nivellent les rangs. Nos pères appelaient le sang sorti d'une blessure non mortelle « sang volage », mot caractéristique de ce dédain de la mort, naturel aux Français dans tous les siècles. Les institutions ne peuvent rien changer à ce génie national. Les soldats qui, après la mort de Turenne, disaient « qu'on lâche la pie, nous camperons où elle s'arrêtera », auraient parfaitement valu les grenadiers de Napoléon. Sur les hauteurs de Dunkheim, premier rempart des Gaules de ce côté, on découvre des assiettes de camp et des positions militaires, aujourd'hui dégarnies de soldats. Burgonde, Franc, Goth, Hun, Suève, flots du déluge des barbares, ont tour à tour assailli ces hauteurs. Non loin de Dunkheim, on aperçoit les éboulements d'un monastère. Les moines enclos dans cette retraite avaient vu bien des armées circuler à leurs pieds. Ils avaient donné l'hospitalité à bien des guerriers. Là, quelques croisés avaient fini sa vie, changé son home contre le froc. Là furent des passions qui appelèrent le silence et le repos avant le dernier repos et le dernier silence. Trouvèrent-elles ce qu'elles cherchaient? Ces ruines ne le diront pas. Après les débris du sanctuaire de la paix viennent les décombres du repère de la guerre. Les bastions, mantelets, courtines, tourillon démoli d'une forteresse. Les remparts s'écroulent comme les cloîtres. Le château était embusqué dans un sentier scabreux pour le fermer à l'ennemi. Il n'a pas empêché le temps et la mort de passer. De Dunkheim à Frankenstein, la route se faufile dans un vallon si resserré qu'il garde à peine la voie d'une voiture. Les arbres descendant de deux talus opposés se joignent et s'embrassent dans la ravine. Entre la Messénie et l'Arcadie, j'ai suivi des vallons semblables, au beau chemin près. Pan n'entendait rien aux ponts et chaussées. Des genêts en fleurs et un jet m'ont reporté au souvenir de la Bretagne. Je me souviens du plaisir que me fit le cri de cet oiseau dans les montagnes de Judée. Ma mémoire est un panorama. Là viennent se peindre, sur la même toile, les sites et les cieux les plus divers, avec leur soleil brûlant ou leur horizon brumeux. L'auberge à Frankenstein est placée dans une prairie de montagne, arrosée d'un courant d'eau. Le maître de la poste parle français. Sa jeune sœur ou sa femme ou sa fille est charmante. Il se plaint d'être bavarois. Il s'occupe de l'exploitation des forêts. Il me représentait un planteur américain. À Kaiserlautern, où j'arrivais de nuit, comme à Bamberg, je traversais la région des songes. Que voyaient dans leur sommeil tous ces habitants endormis? Si j'avais le temps, je ferais l'histoire de leurs rêves. Rien ne m'aurait rappelé la terre si de Kai ne s'était répondu d'une cage à l'autre. Dans les champs en Allemagne, depuis Prague jusqu'à Mannheim, on ne rencontre que des corneilles, des moineaux et des alouettes, mais les villes sont remplies de rossignols, de fauvettes, de grives, de cailles, plaintifs prisonniers et prisonnières qui vous saluent aux barreaux de leurs geôles quand vous passez. Les fenêtres sont parées de hais, de réséda, de rosiers, de jasmin. Les peuples du Nord ont les goûts d'un autre ciel. Ils aiment les arts et la musique. Les Germains vinrent chercher la vigne en Italie. Leurs fils renouvelleraient volontiers l'invasion pour conquérir au même lieu des oiseaux et des fleurs. Le changement de la veste du postillon m'avertit le mardi 4 juin à Sarrebruck que j'entrais en Prusse. Sous la croisée de mon auberge, je vis défiler un escadron de hussards. Ils avaient l'air fort animés. Je l'étais autant qu'eux. J'aurais joyeusement concouru à frotter ces messieurs, bien qu'un vif sentiment de respect m'attache à la famille royale de Prusse, bien que les emportements des Prussiens à Paris n'aient été que les représailles des brutalités de Napoléon à Berlin. Mais si l'histoire a le temps d'entrer dans ces froides justices qui font dériver les conséquences des principes, l'homme, témoin des faits vivants, est entraîné par ces faits, sans aller chercher dans le passé les causes dont ils sont sortis et qui les excusent. Elle m'a fait bien du mal, ma patrie, mais avec quel plaisir je lui donnerai mon sang. Oh, les fortes têtes et les politiques consommées, les bons Français surtout, que ces négociateurs de traité de 1815. Encore quelques heures et ma terre natale va de nouveau tressaillir sous mes pas. Que vais-je apprendre? Depuis 3 semaines, j'ignore ce qu'on dit et fait, mes amis. 3 semaines. Long espace pour l'homme qu'un moment emporte, pour les empires que 3 journées renversent. Et ma prisonnière de Blaye, qu'est-elle devenue? Pourrais-je lui transmettre la réponse qu'elle attend? Si la personne d'un ambassadeur doit être sacrée, c'est la mienne. Ma carrière diplomatique devint sainte auprès du chef de l'Église. Elle achève de se sanctifier auprès d'un monarque infortuné. J'ai négocié un nouveau pacte de famille entre les enfants du Béarnais. J'en ai porté et rapporté les actes de la prison à l'exil et de l'exil à la prison. Fin de la section 13.